Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis Nina Tissot, je suis chercheuse en sociologie et par ailleurs je suis aussi éducatrice spécialisée, je travaille en CARUD depuis une quinzaine d'années aussi, entre autres avec le public Chemsexeur. Donc je coordonne le dispositif TREND de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives depuis 2016, qu'il a été remonté en région, donc depuis une dizaine d'années, qui ont donc permis de documenter ces pratiques de Chemsex. Entre autres. Je vais faire quand même une brève présentation du dispositif TREND, voilà, pour saisir un peu la manière dont ce travail d'enquête il est mené. Donc, porté par l'Observatoire français des drogues et tendances addictives, donc, qui existe depuis. Depuis 1993, voilà, je m'étends pas trop sur cet observatoire, simplement dire que voilà, il y a des dispositifs d'observation pérennes, donc qui comprennent les enquêtes quantitatives, qui sont celles menées en population générale, qui permettent, voilà, vous en entendez peut-être parler souvent dans les médias, de mesurer la prévalence d'usage des produits en population générale, en sous-population, comme par exemple chez les jeunes à 17 ans, et puis des dispositifs d'enquête qualitative et de veille sanitaire dont fait partie le dispositif TREND. On documente, nous, les pratiques des populations fortement consommatrices de produits, donc à la fois sur les espaces festifs, ce qui comprend pour nous les pratiques de chemsex, et puis sinon dans les espaces de la marginalité urbaine, donc les personnes en situation de grande précarité, principalement dans les grands centres-villes, enfin dans les centres des agglomérations de taille assez importante. Il y a de la porosité aussi avec les pratiques de chemsex, hein, j'y reviendrai. Voilà, mais c'est nos deux espaces et populations auprès desquels on enquête. Et bien sûr, on fait tout un travail donc, autour des consommations, des modes de consommation, des produits en circulation, on fait de l'analyse de produits aussi. On documente aussi les manières dont les personnes obtiennent les produits, les modalités d'acquisition. Donc on enquête aussi sur les pratiques de vente et le trafic. Et puis toutes les représentations associées à tout ça. On ne s'intéresse pas du tout à l'alcool et au tabac, voilà, mais on s'intéresse aux médicaments aussi consommés hors cadre de prescription. Donc grosso modo, pour ces catégories de personnes fortement consommatrices, ben, on essaye de voir qui consomme quoi, pourquoi, comment, avec quelles conséquences. Et on peut établir ça à un niveau régional, puisque du coup il y a 9 coordinations régionales TREND en France et sur l'île de la Réunion. Notre méthodologie, du coup, elle repose sur la triangulation du plus grand nombre de sources d'informations possibles. Donc principalement les observations ethnographiques qui sont menées auprès des usagers et très souvent par des usagers et des usagères de drogue elles-mêmes, des personnes qui vont avoir un parcours en sciences humaines ou pas, qu'on va recruter pour leur proximité avec le terrain et leur possibilité d'être aux premières loges de ce qui se passe et de le documenter. Et puis par des entretiens menés avec des usagers, avec des revendeurs parfois, et avec l'ensemble des professionnels des structures addicto, donc SAPA, CARU, d'autres services hospitaliers, des structures d'application de la loi aussi, douane, police, police scientifique, gendarmerie, etc. Et puis d'autres partenaires, secteur social, les centres d'hébergement, etc. etc. Des assos qui interviennent en milieu festif, d'autosupport, communautaire, des organisateurs de soirées aussi, sans lien forcément avec, avec la pratique de santé. Enfin, voilà, donc pour vous donner juste l'exemple de comment la coordination chez nous est organisée en aura, donc moi coordinatrice qui vais mener ces entretiens avec les professionnels, les usagers, il y a des chargés d'observation, espaces festifs, espaces urbains, chemsex, trafic, des personnes qui travaillent sur Grenoble spécifiquement, Alexandra et Marie qui sont là et qui vont parler après, et puis chacun étant en lien avec tous ces informateurs privilégiés de terrain. Et puis donc chaque année, on produit un rapport régional et des rapports nationaux. Donc rapport régional, là, ça va faire le 10e l'année qui vient. On reprend l'ensemble des éléments année après année. Justement, nous, l'objectif, c'est de montrer des tendances, donc pouvoir documenter, donner de la mesure à des phénomènes et chaque année de pouvoir préciser ce qui s'amplifie, ce qui disparaît petit à petit dans les pratiques, dans les profils d'usagers aussi. Et puis ensuite, il y a une tendance au niveau national qui sort et parfois des notes thématiques. Et donc, il y a notamment l'année dernière une note thématique Chemsex qui est sortie et qui reprend 15 ans d'observation trend en France sur ce sujet-là. Donc simplement, je vais resituer un tout petit peu la question du Chemsex au niveau national. Je reviens pas sur la définition, ça a été fait avant, c'est parfait, juste de dire que nous à l'OFDT on conserve bien la définition du chemsex communautaire, c'est-à-dire celle qui concerne les usages de produits en contexte sexuel des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui consomment des psychostimulants et qui ont recours aussi aux applications de rencontres géolocalisées. Bien sûr, toute la question de l'usage de produits par des populations plus diverses, des femmes hétéros, queer, etc., et qui consomment des produits pour avoir des relations sexuelles ou dans le cadre de relations sexuelles, ça nous intéresse aussi, mais on va le définir plutôt comme consommation sexualisée de produits ou autre, on y reviendra aussi, enfin Marie reviendra aussi après. Nous, la définition du terme chemsex, elle est vraiment restrictive à ce public et à certains produits, on va le voir aussi. Donc au niveau national, bah, voilà, rappelé juste avant, c'est des pratiques qu'on documente via Trend, notamment avec le site parisien depuis le début des années 2010, des pratiques qui étaient surtout en établissement en fait au départ, et puis petit à petit qui sont sorties dans des établissements qui avaient des espaces un peu dédiés à la sexualité. Et puis qui sont sortis petit à petit des établissements aussi par le développement donc des applications de rencontres géolocalisées qui ont fait que de plus en plus les plans se sont passés à domicile. Au départ, la terminologie, on avait pas mal le terme chemsex existait, mais il y avait aussi beaucoup les termes. Il y a toujours plan long, plan de chill aussi qui sont utilisés. En termes de produits, au départ, on a principalement le GHB, donc le GBL, et la cocaïne, un peu plus rarement ecstasy, MDMA, qui sont périphériques, et puis cette apparition donc des catinones de synthèse, qui sont quand même au cœur des pratiques de chemsex, donc au début des années 2010. Je fais juste un petit topo sur les catinones de synthèse. J'avais fait ce graphique là pour les 25 ans du dispositif Trend en novembre. L'année dernière, je le reprends tel quel, c'est aussi pour montrer la porosité entre les scènes de chemsex et le festif communautaire et plus généraliste aussi, et de voir comment les substances aussi circulent d'une scène à l'autre par des effets de porosité entre les publics. On a une apparition de ces molécules là, donc début des années 2010, avec principalement la méphédrone, donc c'est la 4-MMC, qui va circuler au départ exclusivement dans les espaces du chemsex, avec des effets recherchés qui sont vraiment très spécifiquement en lien avec la sexualité, parce que c'est des produits psychostimulants, mais très entactogènes, empathogènes, donc qui favorisent vraiment la désinhibition et le plaisir sexuel. Et puis la 4-MMC, elle va être classée stup en France et puis dans toute l'Europe assez rapidement, début des années 2012 en France, je crois. Et donc on va voir apparaître sur le marché des dérivés, donc au départ pour contourner la législation. Mais assez vite, en fait, toutes les catinones, elles vont être classées stup en France, mais pas forcément à l'étranger, notamment aux Pays-Bas. Et c'est un pays, les Pays-Bas, à partir duquel les catinones vont beaucoup être expédiées en France jusqu'à assez récemment. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment la 3-MMC, donc que vous connaissez peut-être aujourd'hui, parce que désormais c'est beaucoup commenté dans les médias, mais voilà. 3-MMC et 4-MEC qui vont rester les substances assez majoritaires dans les espaces du chemsex au départ. Et quelques autres catinones un peu plus à la marge, MDPV, alpha-PVP, etc. Et ensuite, on a une diffusion un peu progressive de ces molécules dans les espaces festifs communautaires affiliés aux scènes LGBT, et puis un petit peu plus généraliste petit à petit. Et progressivement, là, c'est vraiment la 3-MMC qui remporte le marché, dont on entend parler un peu tout le temps, par tout le monde, dans ces espaces-là, pour les personnes qui connaissent tout du moins les catinones. 2021 intervient ce qu'on appelle le Dutch ban, donc le fait que la Hollande classe la 3-MMC sur la liste des stupéfiants. Et donc, pour contourner cette interdiction, et bah, de nouveau, d'autres molécules qui se diffusent, 3-CMC, 4-CMC, 2-MMC, l'ANEP aussi désormais, qui circulaient à la marge et puis voilà, qu'on voit de plus en plus. Et notamment, donc, après, on a une diffusion plus massive des catinones en espace festif généraliste, qui est couplée aussi à un large développement de l'offre, et notamment via des comptes de revente sur les applications pour vendre des produits plus classiques, cocaïne, ecstasy, etc. Donc des comptes sur appli, sur Snapchat, WhatsApp, Telegram. Vous connaissez peut-être ça aussi. Au départ, donc sur Internet, oui, pardon, j'ai pas précisé, c'était donc même quand c'était encore interdit en France, tant que c'était légal aux Pays-Bas, les usagers se fournissent beaucoup sur Internet parce que même si c'est interdit, rien ne Si vous n'êtes pas contrôlé, il n'y a pas de difficulté à acheter ces produits-là sur Internet avec tout le marketing qui va avec, les promotions, etc. etc. Et puis, désormais, c'est beaucoup plus sur les applications. Donc là, c'est des captures d'écran, soit texto, soit sur Potato, ce qui a un petit peu remplacé Telegram depuis 2 ans. Voilà, donc la possibilité d'avoir ces produits-là de cette manière-là. 2025 intervient un nouveau Dutch ban en Hollande qui a classé quasiment l'ensemble des catinones désormais stupéfiants, donc il n'en reste plus que quelques-unes, notamment la NEP du coup qui est encore aussi accessible sur Internet avec tout un tas de promotions assez classiques. Voilà, tout ça, donc c'est assez cyclique, hein, ça n'en finit pas d'évoluer aussi, mais c'est vraiment au cœur des produits qui sont consommés dans le cadre du chemsex. Alors, je reviens sur la diffusion du chemsex en France. Donc, en 15 ans, la visibilité de ces pratiques, elle a considérablement augmenté. Elles se sont aussi développées dans d'autres villes que la capitale, dans des villes de taille variée, même si au départ, c'est quand même plutôt dans les grandes métropoles. Et donc les autres sites traînent, on a commencé à mener des observations dans ces espaces-là aussi à partir du milieu ou de la fin des années 2010. Il y a des publications aussi de l'OFDT là autour en 2017 qui reprend l'ensemble des connaissances des différents sites traînent, approfondies avec des entretiens avec un grand nombre de chemsexeurs dans l'étude Apache, donc qui est sortie en 2019, et puis cette note-là sortie l'année dernière, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc nous, sur la région, pour le site lyonnais, et puis plus largement un peu en région, donc qu'est-ce qu'on observe ? Plusieurs périodes au développement des pratiques de chemsex, donc qui étaient assez confidentielles quand même avant 2015, et qui se sont bien diffusées dans la deuxième partie des années 2010, qui s'alignent un petit peu sur le modèle parisien, donc avec le développement de soirées de taille importante dans des appartements en centre-ville, parfois en after de soirées en établissement, mais aussi sans forcément de lien avec la fréquentation d'établissements festifs en amont. Et aussi avec l'utilisation donc des applications, les principales étant donc Grindr, Planet Romeo à l'époque, Scurf ou des plans chems sont de plus en plus proposés. Ces pratiques, elles font de plus en plus parler aussi dans les services de santé, d'addictologie, dans d'autres services de médecine aussi, qui voyaient très très peu ces profils de patients auparavant et qui commencent à les voir, notamment quand il y a des problématiques et des conséquences associées, que ce soit en addicto, dans les services infectieux, en gastro-entérologie aussi, on va y revenir, et des projets un peu spécifiques d'accompagnement qui commencent à émerger. Et puis les pratiques de chemsex qui sont aussi de plus en plus commentées dans la presse locale et puis au sein des communautés et des associations avec un certain nombre de tensions qui vont apparaître progressivement. On va y revenir. On a une année 2018 assez charnière, enfin en tout cas charnière pas tellement, mais en tout cas assez marquante à Lyon, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a un grand nombre de décès. Alors, imputables ou non au chemsex directement, c'est compliqué. Les rapports d'autopsie, on les a pas toujours. On sait pas exactement si c'est une surdose, un accident, etc. En tout cas, c'est des personnes pratiquant le chemsex qui décèdent cette année-là. Et qui ont donné lieu à une enquête de police, et donc avec une vague d'interpellations et même des incarcérations. Et donc ça a conduit les participants à déjà avoir très peur d'être dénoncés, enfin d'une forme de répression, et du coup à s'organiser dans des cercles beaucoup plus restreints, beaucoup plus affinitaires, avec beaucoup plus d'interconnaissance aussi, en petits comités, en sélectionnant beaucoup plus les participants. Et puis, il y avait aussi beaucoup de craintes autour des overdoses de GBL. Donc, ça a un petit peu réduit les consommations de GBL à cette époque-là. Bon, ça n'a pas forcément duré longtemps, mais en tout cas, c'était beaucoup, beaucoup commenté à ce moment-là. S'en sont suivis l'épidémie Covid et les confinements successifs. Donc là, les soirées de taille plus importante reprenaient tout juste. Et donc, les confinements ont conduit à ce que ça change un petit peu la donne. Notamment, de nouveaux replis sur des plus petites soirées. Aussi des soirées de taille importante, mais organisées en dehors des centres-villes. Pour être plus discret, des soirées ce qu'on appelait all-inclusive, donc où il pouvait y avoir beaucoup de monde, et pour éviter les circulations et se faire contrôler, du coup il y avait tout sur place, donc à boire, à manger en petite quantité, et des produits en plus grande quantité, pour tenir 2, 3, 4 jours sans avoir besoin de retourner en ville. Et donc aussi à cette période, ce qui est important de saisir, c'est que les soirées chemsex, pour certaines personnes, elles sont devenues les seuls espaces de sociabilité possibles quand tous les espaces festifs étaient fermés, et avec vraiment un fort intérêt à rompre la solitude, qui était aussi de toute manière déjà mentionnée par les chemsexeurs comme une motivation à fréquenter ces soirées-là, justement pour la sociabilité qu'ils pouvaient y trouver. J'avais retrouvé ce verbatim d'un observateur trend de l'époque, et je trouvais assez, c'est un point de vue personnel, mais assez représentatif, ce qu'il disait sur le fait que dans ce contexte-là, où l'anxiété et la dépression de toute la société ont connu leur apogée, qui a conduit à replacer le chemsex, malgré sa composante sexuelle très forte, comme répondant au même mécanisme que d'autres consommations de produits, c'est-à-dire la question de l'exutoire face à beaucoup, une tension, enfin une situation encore inimaginable un an auparavant, et puis la recherche de plaisir et les conséquences parfois multiples à cette recherche de plaisir en fonction des dommages qu'elle peut parfois occasionner vis-à-vis des pratiques dont on parle. C'était simplement pour dire que le chemsex était concerné comme les autres usages festifs de drogue à cette période-là, ni plus ni moins, mais peut-être pour des personnes qui avaient peu accès de toute manière à des sociabilités autres que dans ces espaces-là, qui ont encore plus souffert à ce moment-là. Les périodes de confinement aussi ont amplifié pour certains la durée de ces soirées, parce que télétravail, parce que moindres obligations sociales par ailleurs, et du coup des soirées qui réservaient au week-end et qui se sont mis aussi à faire en semaine. Et puis on a vu aussi à cette période l'amplification des pratiques de chemsex à distance, donc par écran interposé, où là c'est des usagers qui sont seuls chez eux et qui vont consommer des produits, se masturber en visionnant soit des films pornographiques, soit d'autres personnes qui font comme elles et qui discutent ou pas, ou qui juste se regardent pratiquer ensemble. C'est des choses qui existaient déjà bien avant les confinements et qui existe toujours, mais ça a été un petit peu amplifié à cette période-là. Il y a aussi des chemsexeurs qui ont recours à ça, justement pour éviter des risques associés aux pratiques, et notamment des risques de contamination, parce que pas de partenaire égale pas de contamination, en tout cas infectieuse, et qui se prémunissent aussi des risques comme ça, puisqu'ils peuvent expliquer pour certains qu'ils ont du mal à gérer ces risques-là, j'y reviendrai après, mais quand il y a prise de produits, et qu'au moins d'être seul chez eux, Ça évite ça. Par contre, ça évite pas du tout le risque s'il y a une surdose. Enfin, du coup, on est seul et il n'y a pas de personnes qui peuvent venir nous aider. Post-confinement et jusqu'à aujourd'hui, donc reprise un peu des soirées de tailles diverses, même si il y a des gens qui privilégient des cercles restreints. Le lien avec le travail du sexe qui existait déjà auparavant, mais qui est pas mal mentionné aussi, et même des travailleurs du sexe qui expliquent qu'ils ont bien du mal à travailler sans produits, puisque ça fait partie beaucoup de la demande aussi de ce rapport à la consommation, et que pour certains, travailler sans produits, c'est se priver d'une partie quand même de leur clientèle. C'est beaucoup rapporté sur Genève aussi, moi je mène des entretiens aussi sur Genève, du coup il y a une autre législation sur le travail du sexe, mais en tout cas ça apparaît de manière assez importante, et Genève c'est une ville qui est fréquentée par beaucoup de Français, et notamment par des chemsexeurs de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et concernant le slam, donc sur la dernière décennie, on a quand même vu plutôt une augmentation de la visibilité du slam, une moindre stigmatisation. Des usagers qui peuvent l'envisager juste comme une autre manière de consommer des produits, mais toujours en se distinguant bien des toxicos, junkies, injecteurs d'héroïne, qui n'ont absolument rien à voir avec ces personnes-là. Eux, ils slament, ils jouent et ils touchent pas à la cam. Pour autant, ils injectent des substances psychoactives quand même. Des très jeunes usagers aussi qui sont passés au slam, voire qui ont directement commencé leur consommation de drogue par l'injection dans le cadre du chemsex. Et puis la place du slam dans les soirées qui est très variable. Alors de la même manière qu'il peut y avoir du chemstriage, c'est-à-dire de s'organiser spécifiquement qu'avec des gens qui vont prendre des produits, pour pas être en contact avec des gens qui pourraient nous juger mal dans ces soirées-là si on consomme pas de produits, si on consomme des produits, pardon. De la même manière, il y a des usagers qui souhaitent s'organiser que avec des personnes qui vont injecter, non seulement pour être sûr de pas être stigmatisé, mais aussi pour avoir des effets, une même intensité d'effet et être sur le même mood tous ensemble. Pour le coup. Et voilà, et parfois, il y a des soirées, c'est plus mixte, où il y a des espaces qui sont réservés aux gens qui vont injecter dans une pièce à part, etc. Donc, on a aussi des pratiques de slam triage. Aujourd'hui, les pratiques de chemsex, elles ont majoritairement lieu dans des appartements, un petit peu encore dans des lieux de drague extérieure qui perdurent. Alors, c'est vraiment tombé en désuétude, hein, ces lieux de drague extérieure par rapport à ce que ça avait pu être il y a 15-20 ans. Mais néanmoins, il y a un petit peu de consommation aussi de produits encore. Et puis, en établissement, même si là aussi, il y a eu pas mal de fermetures d'établissements, de fermetures de sex-clubs aussi. Alors, je connais moins Saint-Étienne sur cet aspect-là en particulier, mais en tout cas sur Lyon, c'est le cas. Et puis, c'est plutôt ces aspects-là dans les grandes villes. C'est un peu plus rare, les pratiques de chemsex très développées dans les plus petites agglomérations, mais ça existe aussi, encore moins en espace rural. Et les usagers se déplacent beaucoup, donc les Stéphanois vont pas mal à Lyon, et d'autres personnes en région aussi, les Lyonnais restent à Lyon ou vont à Genève, et puis pas mal de personnes aussi, quand elles en ont les moyens, se déplacent aussi dans des villes plus au sud de la France, enfin hors région. Sur les profils à l'heure actuelle, mais en fait c'est assez valable depuis toute la décennie, là, cette diversité des profils sociodémographiques, que ce soit donc en termes d'âge, vraiment avec une très grande amplitude des âges des personnes rencontrées, en termes de profession et de niveau de revenus, de diplômes, pas mal d'étudiants, mais des CSP+, comme des ouvriers, beaucoup de gens au RSA, de plus en plus de personnes exilées, des personnes en situation de migration aussi, plutôt précaires, qui sont rencontrés dans ces soirées chemsex. Et puis une diversité aussi d'insertion dans les mondes du chemsex, avec plus ou moins de liens communautaires justement à la base, et différentes motivations à la pratique, donc évidemment la recherche autour de la sexualité, mais aussi certains qui parlent de l'accès tout court à des partenaires, et notamment comment, quand ils sont plus très bankable dans certaines soirées, parce qu'ils n'ont pas le physique, ils n'ont pas l'âge, ils n'ont pas tout ça, la consommation de produits en fait leur permet en fait d'arriver dans ces soirées là notamment des chemsexeurs assez âgés qui disent qu'ils ont pu revenir dans des plans parce qu'ils étaient consommateurs ou qu'ils se sont mis à consommer, alors qu'avant, ils n'auraient pas forcément été acceptés passé 50 ans, par exemple. Voilà, et puis des liens avec différents rapports aux motivations, des personnes qui disent que c'est parce qu'elles ont trop de boulot, que c'est un exutoire, des personnes qui disent que c'est parce qu'elles n'ont pas de travail et que c'est un passe-temps, des personnes qui expliquent qu'elles sont rentrées ou sorties des pratiques de chemsex par des relations amoureuses naissantes ou terminées, etc. L'usage des applications, des sites internet plus ou moins spécialisés ou généralistes, qui est toujours très très important, hein. Le Chemsex qui est toujours décrit comme extrêmement présent sur certaines applications ou à certaines heures, donc notamment tard en soirée, ce qui peut conduire même des personnes à avoir besoin de préciser qu'elles ne veulent pas de plans, enfin qu'elles veulent des plans sans produit. Et puis des applications qui font la chasse aussi au terme, donc on va pas, enfin qui vont supprimer les profils aussi à les termes trop spécifiques qui s'y trouvent. Tout un registre de communication aussi qui renvoie à cette culture chemsex qui s'est développée à la fois dans la manière de parler des produits, des pratiques sexuelles, donc l'usage très massif des émoticônes, des émojis pour figurer les produits, les pratiques sexuelles, les modes de conso, les modes d'achat aussi. Les consommations, donc je vous disais, à l'origine plutôt GBL, cocaïne, un petit peu plus tard les catinones. Aujourd'hui, catinone GBL systématique et de plus en plus la kétamine. Alors, c'est pas propre au chemsex, hein, la kétamine, ça s'est vraiment développé sur l'ensemble des espaces festifs, mais dans le cadre du chemsex, c'est devenu assez systématique aussi. Des analogues de kétamine, la méthamphétamine. Alors la méthamphétamine, c'est pareil, c'est pas très fréquent dans le cadre du chemsex, mais néanmoins le chemsex c'est le seul espace où il y a de la méthamphétamine consommée occasionnellement. On en voit presque pas ailleurs en France, en tout cas à l'heure actuelle, en dehors de ces espaces là. Ça va probablement changer, mais voilà, en tout cas donc c'est aussi notable. On va aussi trouver une consommation de produits qui visent à corriger les effets des drogues, notamment des produits érectiles, parce que les catinones ne sont pas très aidantes sur ce point, donc Viagra, Cialis, des anxiolytiques, des somnifères pour gérer la descente, mais en fait, un peu comme dans tous les espaces, on consomme beaucoup de psychostimulants, quels que soient les espaces festifs, quoi. Et puis on peut rajouter aussi que parfois ben il y a des profils de pratiquants qui ont aussi l'usage de stéroïdes anabolisants. Alors quand c'est en lien notamment avec une pratique intensive en salle de sport, mais on voit aussi du coup des sites internet qui vendent des produits du chemsex, donc les drogues en question, les produits érectiles et qui vendent aussi des stéroïdes anabolisants hors législation quoi. On commence tout juste à documenter ces aspects-là sur les sites trend. Ces drogues, elles sont donc achetées ben, soit sur Internet, parfois sur le Darknet, et sinon après, je vous disais, voilà, auprès de revendeurs directs qui font ou pas partie des communautés qui sont parfois aussi pratiquants de chemsex, et puis aussi sur les applications un peu classiques, type Snapchat, Telegram, etc. Alors voilà, c'est pas tant pour la boutade sur Pierre Palmade, mais de dire aussi que ces applis, ben, elles surfent sur l'actualité, sur ce qui va faire le buzz aussi. Et juste l'actualité Pierre Palmade, c'était pour resituer aussi la stigmatisation et le traitement médiatique autour des pratiques de chemsex. Et beaucoup de chemsexeurs à l'époque ont fait part de leur désarroi d'être associés toujours à des faits divers les plus sordides et qu'on parle du chemsex qu'à ces occasions-là et que ce moment d'actualité par Pierre Palmade les a mis aussi en grande difficulté pour évoquer leur pratique de chemsex. Les échelles recherchées, j'en ai déjà parlé, intensification, prolongation du plaisir, suppression de la douleur, désinhibition en lien avec des pratiques sexuelles parfois spécifiques et parfois pas aussi spécifiques que ça. C'est le fist-fucking, le BDSM, mais c'est loin d'être une généralité dans les pratiques de chemsex. Bientôt terminé, juste donc sur les pratiques de réduction des risques et des dommages, on documente évidemment donc toutes ces pratiques-là aussi. Ça me permet de dire que bien sûr on parle des dommages et des problèmes socio-sanitaires liés au chemsex. Il faut aussi parler du fait qu'il y a énormément de chemsexeurs qui sont des happy chemsexeurs, comme ils étaient appelés dans les premières notes de l'OFDT aussi, qui n'ont pas forcément de problématiques ni addicto ni sanitaire ni rien avec leurs usages, en tout cas pendant un certain nombre de temps, et aussi beaucoup de personnes qui mettent en place des pratiques de réduction des risques et des dommages individuels ou plus collectives. Donc il y a celle par rapport au risque infectieux, notamment l'usage de la PrEP en continu ou en discontinu, des personnes séropositives sous traitement, donc à charge virale indétectable, des personnes, enfin voilà, il y a aussi les traitements qui se développent par doxycycline, donc pour certaines IST qu'on peut prendre du coup en traitement post-exposition, donc après avoir pris un risque à cet endroit-là, donc et puis ensuite pour se traiter et éviter d'être contaminant aussi. Donc il y a très peu de préservatifs utilisés dans ces soirées, hein, voire pas de préservatifs, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres modèles de prévention qui sont adoptés. Il y a de la réduction des risques liés aux produits, donc des personnes qui notent leur heure de prise de GBL. Il y a des applications spécifiques sur smartphone qui permettent de le faire pour noter aussi la prise d'autres produits. Il y a des personnes qui s'imposent une deadline pour finir la soirée, qui vont éviter certains mélanges. Il y a de la réduction des risques liés à l'injection. Donc, par exemple, si on ne sait pas bien injecter, avoir recours à des pairs qui savent mieux. Et les soirées chemsex, à une époque, c'était encore plus massif qu'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup, beaucoup de soignants dans ces soirées-là, d'infirmiers, de médecins, parfois de psychiatres, en tout cas de personnes qui ont un rapport à l'injection technique assez maîtrisé et qui souvent prennent le rôle d'injecteur en chef. En Suisse, par exemple, c'est des personnes qui se font payer pour faire les injections à d'autres. Beaucoup de chemsexeurs qui vont chercher du matériel en cas rude ou qui l'obtiennent via le service de réduction des risques à distance. Donc ça permet d'envoyer par la poste du matériel de RDR et une bonne partie de la file active sur la région Rhône-Alpes-Auvergne de ce service de RDR à distance est constituée de chemsexeurs, dont pas mal viennent de Saint-Étienne d'ailleurs aussi, enfin sont sur Saint-Étienne. Des personnes qui sollicitent des accompagnements à l'injection au sein des cas rudes, donc via le dispositif ARLI par exemple. Des personnes qui changent de mode de consommation en fonction du produit. Il y a des XAPA, par exemple, qui distribuent des gélules vides pour que les personnes, les chemsexeurs, mettent leurs produits dans leurs gélules et prennent par voie orale pour éviter du coup les cravings liés à l'injection. Et puis des pratiques de réduction des risques liées au risque addictif, donc des personnes qui vont expliquer qu'elles évitent le recours à la livraison hors internet, elles les achètent sur internet pour au moins avoir les 24 heures minimales de délai pour recevoir le produit plutôt qu'acheter via les applis où on est livré en une heure. Et puis du soutien entre pairs pendant les phases de redescente. Pour finir sur les conséquences socio-sanitaires, donc qui sont de différents ordres, celles qu'on continue de documenter, qui sont là quasiment depuis le début, mais qui sont toujours très actuelles, c'est les dommages somatiques liés aux injections ou aux pratiques de SNIF, donc des abcès, des cloisons nasales abîmées, les surdoses donc de GBL ou de kétamine, diol ou kéol, donc qui occasionnent des pertes de connaissances, du coup des accidents parfois, des comas et puis qui peuvent conduire jusqu'au décès. Après, à constater aussi qu'un certain nombre de chemsexeurs ont presque comme intégré le risque du diol et certains disent que voilà, de toute manière, faire 1, 2, 3, 4 diol dans sa carrière de chemsexeur, c'est presque un attendu et qu'ils ne s'en font pas plus que ça par rapport à ça s'ils estiment qu'ils pourront être accompagnés par des pairs à ce moment-là. En tout cas, c'est pour un certain nombre d'entre eux, c'est comme un risque intégré. Des dommages somatiques liés aux pratiques sexuelles qui sont favorisés par la prise de produits. Les dommages parce qu'il y a moins d'attention à la douleur, moins de ressenti à la douleur, un certain désir d'intensité. Donc ça, c'est pareil, c'est là où certains services ou les urgences ont vu apparaître parfois des profils de personnes chemsexeurs avec des cas plus ou moins graves de perforation, par exemple rectale ou ce genre de choses, qui sont vraiment très très mises en lien avec la consommation de produits, voilà, qui fait perdre un petit peu la maîtrise de pratiques qui pouvaient déjà connaître et mieux maîtriser auparavant. Et puis des problèmes de dépendance et d'addiction, donc que ce soit aux produits et aux catinones et puis au GHB, avec des personnes qui se retrouvent dépendantes au GHB, un petit peu de la même manière dont on est dépendant à l'alcool après une très longue période de consommation pour l'alcool. Le GHB, ça vient beaucoup plus vite et des personnes qui doivent faire des sevrages hospitaliers pour le GHB parce que sinon c'est minimum toutes les 3 heures où elles doivent prendre une dose de GBL pour pas être en manque. Une forme d'addiction aux applications de rencontres et puis des difficultés aussi liées à des formes d'hypersexualité. Et enfin, des problématiques infectieuses liées aux pratiques de conso, aux pratiques sexuelles, donc par absence de protection et par partage de matériel, qui sont là aussi largement dues à une moindre vigilance qui est favorisée par la consommation de produits, donc des contaminations VHC, hépatite A aussi, je ne l'ai pas noté. VIH, alors là, par difficulté d'accès à l'après, par exemple pour les personnes exilées sans droit. Ça aussi, c'est une réalité. Et puis des cas de séroconversion de personnes qui sont pourtant comportant de la PrEP prescrite, mais par difficulté d'observance, parfois aussi en lien avec les consommations de produits. Et autres IST, des troubles psychiques plus générales qui sont associés au fait que les personnes s'installent durablement dans des pratiques de chemsex et du coup avec des phases de paranoïa, de dépression, de troubles alimentaires qui s'ancrent plus durablement aussi. Et puis des problématiques sociales occasionnées parfois par l'argent mis dans les produits, les effets secondaires, enfin voilà, perte d'emploi, des problématiques conjugales, des violences subies et des violences commises aussi qui sont rapportées, donc toute la question des problématiques autour du consentement, des cas de viol, des cas de vol et puis des cas de guet-apens homophobes aussi, donc là c'est pas au sein de la communauté mais d'autres personnes qui vont sur les applications et qui tentent des pièges et des gens qui expliquent s'être fait tabasser dans des appartements parce qu'ils pensaient aller à une soirée chemsex et ils se retrouvent avec des personnes qui sont là pour toute autre chose. Voilà, et j'en finis là-dessus sur le développement du coup de l'offre de soins dans l'ensemble du secteur. C'est le fait marquant quand même ces dernières années, c'est l'offre de plus en plus conséquente. Alors c'est relatif hein, bien sûr par rapport aux besoins, mais en tout cas une offre de soins spécifique à ces pratiques et qui contribue aussi à les visibiliser. Avec des espaces de parole dédiés pour permettre l'accès aux soins, mais aussi pour des prises en charge en tant que telles, tout autant sanitaires que sociales, que ce soit dans les espaces de santé communautaire, dans les institutions dédiées à l'accompagnement d'usagers de drogue par ailleurs, donc les XAPA, les CARUD. À l'hôpital avec la question des sevrages donc, de GBL. Et tout ça, ça va de pair quand même avec le développement d'une offre en santé sexuelle plus globale. Et donc plusieurs initiatives sur Lyon et région qui se sont développées au cours de la dernière décennie. Donc diversification des modes d'accès aux assos, c'est des permanences nocturnes qui sont voilà, ouvertes tard le soir, c'est la présence sur les applications. C'est des groupes de parole pour pratiquants et pour chemsexeurs abstinents. C'est des services d'hôpital de jour dédiés aux chemsex qui ont ouvert. C'est beaucoup de partenariats de plus en plus entre les CEGID et des XAPA et des CARUD. Donc c'est ces services hospitaliers qui se mettent en lien avec des associations plus expertes sur les questions de sevrage. C'est la formation des professionnels, on a évoqué le diplôme interuniversitaire qu'a ouvert à Lyon, et la création de tout un tas d'outils de communication. Et avant juste de laisser la parole à Alexandra et Marie, je voulais noter, parce que ça fait un peu l'introduction avec ce qu'Alexandra va apporter là, c'est que déjà dans le rapport Trend de 2018, on mentionnait des tensions au sein des collectifs, des assos, des services d'accompagnement qui résultaient de différents enjeux politiques dans l'appréhension du phénomène, où on avait déjà toute cette tension entre quelque chose qui relèverait, enfin, à appréhender avec la question de la sous-culture HSH et versus construire, appréhender ça comme un problème de santé publique. Des tensions sur est-ce qu'il y avait ou pas une culture de la consommation à moindre risque des pratiquants et s'il n'y en avait pas, est-ce que c'était grave, est-ce que c'était mal. Des personnes qui relevaient une sorte de malaise communautaire aussi liée à la question de l'individualisme dans les pratiques de sexualité de groupe. Des enjeux autour est-ce qu'il fallait autant que ça cibler une communauté au risque de la stigmatisation. Des débats qui portaient sur la responsabilité des usagers. Par exemple, on avait des débats dans les CARUD aussi sur est-ce qu'il valait mieux autonomiser les personnes dans leur pratique d'injection, c'est-à-dire favoriser le fait que chaque personne sache très bien injecter pour elle-même, ou est-ce qu'il valait pas mieux former des usagers pairs, enfin des chemsexeurs pairs qui allaient être les injecteurs de tout le monde. Tout le monde n'était pas d'accord là autour, avec aide non plus, tout le monde n'était pas d'accord. Bon. Voilà, il y avait beaucoup de méconnaissance aussi entre les différentes structures et les représentations qui pouvaient en découler. L'idée que les CARUD, ça ne pouvait accueillir que des punks à chiens, du coup, où les chemsexeurs n'iraient jamais. C'est pas du tout ce qui s'est passé par la suite, en tout cas. Mais voilà. La difficulté de faire participer à la prévention les établissements festifs et les sex-clubs, parce que pour eux, c'est aussi s'exposer au risque d'une répression administrative que de visibiliser les usages en leur sein, et puis la difficulté de faire de la prévention sur les applications de rencontres, parce que notamment Grindr supprimait un peu automatiquement les profils de Ed ou de Lenips quand ils parlaient du coup chemsex, alors qu'ils n'étaient pas là eux ni pour promouvoir ni pour vendre des produits, mais ils faisaient quand même sauter leur compte.